raison sans fuir tes peurs. Suis-moi sans rien à craindre, plus rien ne peut t'atteindre. Que ma main te guide, que l'aube essuie tes pleurs. Que moi je te rejoigne, te garde et t'accompagne. Tout ce qu'il me faut. Prends-moi pour cachet.